On demande un malade gay par Jules Moineau. J'allais dire, je m'en rapporte aux plus imbéciles. Est-il possible de formuler sérieusement un pareil désir? Mais personne ne se croirait celui que j'interroge, et j'aime mieux poser la question aux plus intelligents, certains comme cela, que tout le monde me répondra. Non, non, non, pareille demande n'est pas sérieuse. Eh bien si. Elle avait été insérée sérieusement dans les journaux et se terminait ainsi. Il sera soigné, logé, nourri, entretenu et aura de l'argent de poche. Sa seule obligation sera la lecture des journaux à haute voix, s'adresser au bureau du journal. De sorte que cette annonce étant tombée sous les yeux de Léon Salicorne, jeune homme très farceur et particulièrement épateur de bourgeois, il n'hésita pas à être le malade gay, bien qu'il ne possédât que ses dernières conditions, se promettant de se laisser choyer, dorloter et bien nourrir, sans compter la peine de bon sang qu'il allait se faire aux dépens du naïf auteur de la demande. Mais celui-ci n'était pas du tout un naïf. C'était l'hypochondriaque le plus désagréable du monde. Monsieur Brabançon, c'est son nom, semblait rendre toute l'humanité responsable de ce qu'il avait échoué dans toutes ses tentatives, depuis le baccalauréat jusqu'à une demande de préfecture, en passant par la candidature législative et même municipale, les entreprises industrielles, les inventions, enfin, je le répète, dans tout. Son humeur s'en était aigrie, une maladie de foie s'en était suivie, de là, obligation pour lui de garder la chambre et d'avaler des drogues abominables. Un jour, il lui arriva une grande nouvelle, un testament dont les premières dispositions faillirent le guérir comme par miracle. Une vieille tante venait de mourir, lui laissant une fortune d'1 million. Une clause arrêta la guérison. La défunte était une ancienne pécheresse repentie à l'âge où elle ne pouvait plus pécher et qui s'était jetée dans la dévotion. Elle avait fait un vœu, celui de recueillir chez elle un malade, de le soigner, de lui donner tout le bien-être possible. Le malade mort ou guéri, elle en prenait un autre, et cela devait durer 10 ans. Or, se sentant près de sa fin à l'expiration de la 9e année, elle chargeait son légataire de compléter le vœu dont le terme n'expirait que dans 1 an. Telle était la condition imposée à Brabançon le grincheux. « Comment, se dit-il, me voilà forcé de faire un hôpital de mon appartement? Je n'ai pas assez de la mère tubéreux, ma femme de ménage qui m'horripile avec ses cuirs et ses pâtes à caisse. J'aurai avec cela un malade que j'entendrai geindre jour et nuit et dont la conversation aggravera mon mal. » Et voilà comment M. Brabançon en arriva à cette idée saugrenue de demander un malade gay par la voix des journaux. « C'est singulier, » dit-il un jour à la veuve tubéreux, tout en se faisant la barbe. « Personne ne répond à ma demande depuis plus d'une semaine qu'elle est publiée. « Vous ne trouverez pas ça, monsieur, » lui répondit la brave femme en repassant ses rasoirs. « Moi qui garde des malades depuis plus de 20 années. »« Appuyez sur le cuir, » dit Brabançon en se savonnant le menton. « C'est ce que je fais, monsieur. Eh bien, depuis 20 années, appuyez plus fort. »« Bon, eh bien, je n'ai trouvé qu'un tas de porc-épic. Je ne dis pas ça pour monsieur, qui est agréable dans son genre. »« Qu'est-ce que vous appelez mon genre, veuve tubéreux ?»« Je veux dire que monsieur est agréable, sans l'être. Merci. »« Il n'y a pas de quoi, monsieur. » Je le dis comme je le pense. Merci encore, vous êtes pleine de délicatesse. » À ce moment, la sonnette fut si violemment agitée que Brabançon se mit le pinceau savonneux dans l'œil et que la veuve tubéreuse sursauta sur sa chaise en disant « Ah, jour de Dieu, s'il est possible !»« Qui se permet de sonner ainsi ?» hurla l'homme agréable sans l'être. « C'est le malade gay, » répondit une voix. La colère de Brabançon tomba comme par enchantement. « Il y en a un ?» fit la veuve tubéreux, stupéfaite, et sur l'ordre impérieux de son maître, elle alla ouvrir. Salicorne entra, poussa un éclat de rire, et Brabançon cette fois fut agréable en l'étant. « Monsieur, dit le nouveau venu, j'ai lu ce matin seulement votre demande et j'accours. J'arrive, me voilà. » « Pour gay, vous l'êtes, dit Brabançon, mais quelle est votre maladie ?»« Je n'en sais pas le nom, monsieur. Je dors comme un loir, je ronfle comme un auvergnat. » « Je mange, vous n'avez pas idée de ça. Je vous tortille un gigot, un canard, une omelette au lard. Vous verrez, c'est un joli travail. »« Alors, dit la mère tubéreux, c'est donc pire que Milone de Crétone, que je me suis laissé dire que c'était un fameux mangeur. »« Mais, fit Brabançon, je ne vois pas quelle maladie. »« Et les souffrances, monsieur, vous trouvez que ce n'est rien ?»« Ah, vous souffrez atrocement. »« Et vous êtes gai, malgré cela. »« Moi, gai ?»« Je suis un phénomène pathologique qui stupéfie la faculté. » Elle n'y comprend rien. Plus je souffre, plus je suis gai. Quand j'ai mes crises, ça ne peut tenir à côté de moi tant j'ai la gaieté bruyante. Et à quoi attribuez-vous ces crises douloureuses? Voilà, Je suis musicien. Un jour, j'ai avalé le bec de ma clarinette. Depuis ce temps-là, quand il fait de l'orage, mon bec se met à chanter dans mon estomac. Est-ce qu'il se moque de moi ? Se demanda Brabançon. C'est extraordinaire, fit-il sans trahir son doute. Comment ? Mais c'est-à-dire, mon cher monsieur, que vous me croirez si vous voulez. Je suis peut-être le seul instrumentiste qui joue de la clarinette intérieurement. Alors vous êtes musicien de profession ? Oh, non, simple amateur. Ah, et de votre état, vous êtes ? De mon état, je suis professeur de massue. Ça y est, pensa Brabançon, il va me faire poser. Mais, pardon, dit Salicorne, je prendrai bien quelque chose. C'est très juste, ma femme de ménage va nous préparer ce qu'il nous faut. Et il parla à voix basse à la mère Tubéreux, puis la renvoya. Les deux hommes restés seuls, Brabançon se mit en devoir d'achever sa barbe, interrompue par l'arrivée de son prétendu malade. « Lisez-moi le journal pendant que je me raserai, » lui dit-il. « Ce sera votre unique occupation ici. Lisez-vous bien. »« Moi ? J'étais lecteur de l'empereur des Fifrelins, un original cet empereur. C'est lui qui s'était fait bâtir un palais de 2 kilomètres de long sur 45 centimètres de profondeur, ce qui le rendait très difficile à meubler. » « Va, mon homme, se dit Brabançon, tu blagueras moins tout à l'heure. » Et sur son invitation, le lecteur prit un journal et improvisa le fait par ici après. Un événement bien étrange vient de se passer dans la rue Maubuée. Chacun se rappelle le marchand de marrons du numéro 7, dont les soirées musicales étaient si recherchées. Mardi dernier, ses salons étaient remplis de la fine fleur de la société de Saint-Flour et d'Aurillac. Sa fille, la belle Georgina, qui, grâce à son talent sur le biniou d'Auvergne, vient de contracter un si brillant engagement avec le café-concert du Limaçon-Borgne, venait d'exécuter une bourrée entraînante quand on s'aperçut de l'absence du maître de la maison. Quelques invités firent remarquer que le père de Georgina avait été entrevu se glissant dans un endroit mystérieux. L'absence de leur hôte. Ici le lecteur s'arrêta et parut chercher à comprendre. « Hôte, » fit-il, « l'absence de leur hôte. » De leur hôte, sans doute. Ah non, c'est bien hôte. La hôte dans laquelle il met ses marrons. Et il continua, pendant que son auditeur pensait « J'aurai mon tour tout à l'heure ». L'absence de leur hôte trouvait ainsi une explication bien naturelle. Cette opinion réunissait tous les suffrages, et l'on allait passer outre, quand un cri déchirant se fit entendre. On se précipite dans la pièce d'où partait la voix, on regarde, personne. On écoute, rien. Tout à coup, une voix faible et qui semblait sortir des entrailles de la terre fit entendre ces paroles. « Adieu, ma fille, plains ton malheureux père qui meurt empoisonné. » Et la voix ajouta. « Il y a 2 sacs de marrons derrière mon lit, ça sera ta dot. » « C'est tout, » dit le lecteur. « Maintenant je prendrai bien quelque chose. » « J'ai donné des ordres, » répondit Brabançon avec un sourire étrange. « La mère Tubéreux prépare un bain de moutarde. » « Pour un homard ?» s'écria joyeusement Salicorne. « Bravo, j'adore. » Elle nous prépare aussi de la tisane. « De champagne, pour arroser le homard. » « Non, de chien à dents. »« Hein ?» En attendant le médecin que j'ai envoyé chercher. « Un médecin ?» balbutia le mystificateur inquiet. « Naturellement, pour vous examiner, tirer son diagnostic et ordonner le traitement. »« Eh bien, vous ne riez plus ?»« Si, si !» fit le faux malade avec un sourire qu'il semblait extraire à l'aide d'une machine à vapeur. « Mais cet esculape va tout gâter, » se dit-il. « Je ne vous connais pas, moi, » ajouta l'exécuteur de la clause testamentaire. « Le premier escroc venu peut se faire héberger chez moi en simulant une maladie, auquel cas je le ferai arrêter et traduire en police correctionnelle. »« Ah, traduire en... »« Et condamné. Emploi de manœuvres frauduleuses pour se faire remettre des aliments, effets, argent, etc. »« Article 405 du Code pénal. 1 an à 5 ans de prison. Je connais la loi. J'ai fait mon droit. » Salicorne devint vert. La mère Tubéreux entra, portant sur un bras une robe de chambre et un bonnet de coton, plus 2 bols de tisane qu'elle déposa sur un meuble. « Allons, » dit Brabançon, « en attendant le médecin, mettez ceci. » Et on lui passa la robe de chambre, puis on le coiffa du bonnet de coton. « Ah, que je suis donc fâché d'être venu ici !» pensa le malade malgré lui, pendant qu'on l'installait dans un fauteuil. « À présent, mère Tubéreux, servez-nous la tisane, » dit Brabançon. Puis, à sa victime, « Vous paraissez souffrir. C'est le moment ordinaire de votre gaieté. Voyons, soyez donc gai. » Le malheureux Salicorne prit le bol qu'on lui présentait et s'écria en riant jaune « Que la fête commence !»« Très bien, » dit l'impitoyable tourmenteur, « buvons. » Et Salicorne but, non sans une grimace épouvantable. À ce moment, un coup de sonnette retentit. « C'est le médecin, » dit la mère tubéreux en allant ouvrir. Il entra. « Est-ce que ça va pire ? » demanda-t-il avant même de saluer. « Il ne s'agit pas de moi, docteur, mais du malade que voici. Veuillez l'examiner et nous dire son mal. » Le docteur regarda sa licorne. « Ouh, il a bien mauvaise mine, » dit-il. « Et c'était vrai. » Il lui prit le poignet pour lui tâter le pouls. « Ouh, » fit-il en hochant la tête. « Il grelotte. » Ce qui était exact. Après le poignet, ce fut la langue que le faux malade dut tirer. Et, art merveilleux d'Esculape, notre docteur trouva une maladie grave à un gaillard plus solide que le pont neuf qui est censé sans réparation. « Comment ? Il va me droguer ?» gémit le pauvre diable avec effroi. Quant à son hôte, il n'en revenait pas. « Mais, s'écria-t-il, le sujet d'une gaieté bruyante, il mange comme quatre hommes et même le caporal avec. » Et la faculté n'ayant jamais tort. « Alors, riposta le médecin, ça n'en est que plus grave. » Et il trouva la maladie. « C'est, dit-il, ce que nous appelons boulimie. »« J'ai la boulimie, » exhala le patient terrifié. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda Brabançon de plus en plus dérouté. Et le docteur expliqua, « Boulimie, anomalie de la digestion, faim excessive qu'il ne faut pas confondre avec la synorexie, qui n'est autre que ce qu'on appelle vulgairement faim canine. Cause, affection cérébrale ou hystérique, très grave, excessivement grave, nécessitant des réactifs énergiques. » J'ai, dit Brabançon, fait préparer un bain de moutarde. Parfait. Y plonger le malade. 2 heures maintenant, 2 heures ce soir. Diète absolue. Adieu. Je reviendrai demain. Sur ce, le docteur sortit. Jamais, s'écria Salicorne furieux. Je ne suis pas malade et je ne veux pas. Ah, tu l'avoues donc, misérable escroc. Et cette âne de médecin qui vient nous dire. Alors je vais te traîner en police correctionnelle. Ça m'est égal. Qu'est-ce que je vous ai escroqué? Un bol de tisane? Que vous m'avez fait boire de force. Allons au tribunal, ça me va. Je lirai votre annonce et le public se moquera de vous. Et il faudra l'expliquer, votre annonce. Bigre, pensa Brabançon. Mais mon legs universel sera attaqué par les autres parents, si l'on sait que j'ai voulu frauder la clause du testament. Va te faire pendre ailleurs, dit-il. Et poussant sa licorne par les épaules, il le jeta dehors d'un coup de pied humiliant pour la dignité de notre épateur de bourgeois. Restait toujours la fameuse clause. Mais ceci regarde le légataire. Qu'on me lègue 1 million aux mêmes conditions, je fais mon affaire du malade gay. Je trouverai cela dans le monde politique. Ainsi s'achève, on demande un malade gay, par Jules Moineau.